hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América. Bienvenidos a las montañas del sudeste mexicano. FPP, la jungle des luttes. Merci de nous écouter. J'espère que vous avez passé un bel été. Alors au mois de juillet, la radio était fermée, donc on s'excuse auprès de nos auditeurs et auprès des copines et des copains kurdes d'Irak qui étaient venus. On espère pouvoir avoir une nouvelle émission avec eux au cours de l'année. Et aujourd'hui, on se retrouve donc avec Nikki Velisaropoulou. À peu près, comme son nom l'indique, ça sonne un petit peu grec. Effectivement, elle vient de Grèce et elle va nous parler d'un superbe documentaire, film documentaire qu'elle a tourné pendant plusieurs années dans la région de Thessalonique. Donc on va en parler amplement. C'est un documentaire qui se penche sur une lutte contre une mine d'or. Et c'est une approche très jolie de cette lutte. En tous les cas, quand on regarde le documentaire, on comprend la force et la détermination des gens, mais c'est un film très agréable à voir, et donc on espère que vous pourrez, peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, puisqu'il y a eu des projections déjà en France. Ça a été projeté cet été en Grèce, ça va passer sur la télé grecque, on en reparlera de tout ça aussi également tout à l'heure prochainement, et donc il y aura probablement des projections en France cet automne. Donc le titre du film, c'est « Nous ne vendrons pas notre avenir ». Donc si vous voyez ce titre et en lien avec une lutte aux mines d'or, ce sera bien ce film. Donc merci de nous écouter jusqu'au bout. On a plein de choses à vous raconter sur ce beau documentaire et surtout sur cette grande lutte, hein, puisque ça fait déjà depuis 2003 qu'il y a une lutte qui s'est installée contre cette mine d'or, une entreprise canadienne, comme il y en a un peu partout dans le monde, des villages, des petits villages, des gens, des paysans, des chasseurs, ou tout simplement des habitants qui se battent pour préserver leur espace de vie et contre un système qu'on veut toujours plus. Donc on va parler de ça et on n'oublie pas de vous informer sur une prochaine date là. Nous, la Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, puisque c'est nous qui vous proposons ce programme tous les troisièmes lundis du mois et retransmis le quatrième jeudi le matin de 8h à 9h30. Donc vous pourrez nous réécouter si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout jeudi en 8 le matin. Et vous pouvez également nous rencontrer, le Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte CSPCL, le mercredi 1er, 3e et 5e du mois à 20h30 dans les locaux de la CNT, au 33 rue des Vignoles, au métro Avron. Donc on est toujours intéressé pour rencontrer des gens qui ont des luttes à partager et également qui s'intéressent à la lutte au Mexique et à travers les apatistes et le mouvement qui a été lancé par les apatistes depuis 1994. On sait qu'il y a une grande histoire, il y a toujours plein d'actualités. On verra si on a le temps d'en parler. Donc à la fin, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé au Mexique et ailleurs. Et on aura peut-être un copain qui nous parlera de Notre-Dame-des-Landes, un peu là où on en était, là où on en est, des activités qu'il y a eu au mois d'août. Rien n'est moins sûr, on n'a pas de nouvelles, on verra. En tous les cas, merci de nous écouter. Et on va faire une petite pause musicale avant de rentrer dans le sujet. Et FPP 106.3, la jungle des luttes, c'est parti, musique. Κάθε φωτιά σε κάθε κρατικό μηχανισμό. Τι πείστε, κάθε φασιστά που γυρνά αταραχώς. Τσακίστε, κάθε ένστολο γουρούνι που μιλά λυγίστε. Για τα δικαιώματά σας μες στον κόσμο πολεμήστε. Υπάρχεις μες στον κόσμο, είναι αυτός σου. Κάνε κάτι για εσένα και το διπλανό σου. Προσπάθησε να πάρεις αυτά που σου έχουν εκλέψει. Αυτά που σου ανήκουνε χωρίς καμία σκέψη. Η ελευθερία σου είναι ό,τι πολύτιμο. Και για να την έχεις δεν χρειάζεται κάποιο αντίτιμο. Κανένα συμβιβασμός πάνω σε αυτό. Οι ιδέες θέλουν πράξη και πόλεμο ταξικό. όνειρό σου, οργανό σου. Νιώσε την αδρεναλίνη με τον κάθε αδερφό σου. Διώξε τον φόβο σου, συγκεντρώ σου. Μάζεψε όλα τα εφόδια και κάτω πολεμό σου. Άναψε φωτιά σου, φτάσει ψηλά. Τόσο ψηλά να γίνουν σταχτή όλα τα κελιά. Κάθε κομμάτι κομμαντρή, κάθε ρατσιστή. Κάθε λάχνο το σύνορο και πόλεμο χαρί. Ανέβασε την ένταση και βγάλε την όρκη. Αρκετοί θα κάνουν πίσω, εσύ κάνε την αρχή. Σηκωμένη η γροθιά σου, ας την ελευθερωθεί. Σπάσε τα δέσμα του δρόμου, όχι άλλοι. Αν όχι, όχι άλλοι ρε. Άνθρωπε να σε νιώθα μέσα μου και πάλι. Μακάρι να μπορούσα να τραβήξω τη σκανδάλη. Άνθρωπε να σε νιώθα μέσα μου και πάλι. Σου κόψαν τα φτερά, δεν μπορείς να μιλήσεις. Δεν μπορείς να χαρείς, ούτε και να μισήσεις. Πώς να ξυπνήσεις από τη ζωή που σέρνεις με σκυμμένο το κεφάλι. Τώρα υποφέρεις, πώς μπορείς να πράξεις αφού τη θέληση πατάς. Τη φωνή σου δεν ακούς, μόνο συνήθειες κουβαλάς. Βγάλε οργή, μια κραυγή που ξεπηδάει. Ελεύθερη θα μείνει, ταξίδι να σε πάει. Σε καλούπια δεν χωράει, δεν σβήνει πουθενά. Ανεξιτηλή για πάντα πολεμάει τη σκλαβιά. Φαντάζομαι το αύριο, μαύρα το για το τώρα. Κάθε φορά που νιώθουμε ξεσπάει και μια μπόρα. Συγχαίνω με το σύστημα του καπιταλές πιόνια. Κι αυτούς που λογοδότησαν για το δικό μας χώμα. Στα κιόλα τα δάση και συνειδητά. Μαυρίσανε τη γη στο χώμα, στόχο στα λεφτά. Τσιμέντο εταιρείες και πολυεθνικές. Πάνω στο αίμα χτίσουνε, ξεχάσανε το χθες. Περάσανε οι μέρες, οι μήνες και τα χρόνια. Κι έτσι λοιπόν το σήμερα μας φέρνει τη διχόνια. Πού είναι η ουσία, πού πήγε η ανθρωπιά. Γιατί να μας κοιμήσουν παραμύθια εθνικά. Ξύπνα, νιώσε μέσα στην καρδιά σου. Χτύπα αυτόν που κλέβει τη χαρά σου. Δώσε χρώμα μέσα στα νηρά σου. Να γεννιέται ελευθερία σε κάθε τι που είναι κοντά σου. Φωτιάζεις εταιρείες και σε κάθε αφεντικό. Φωτιάζεις τραπεζές και στον αστυνομικό. Φωτιά και στα σχολεία, σύνδρομο δημοκρατία. Φωτιά σε όλα τα σπίτια για να σπάσει η ησυχία. Φυτευμένες αναμνήσεις, δολοφονίες και ψεύτικες ειδήσεις. Οι δρόμοι γεννάνε συνειδήσεις, οι φωτιές δίνουν λύσεις. Μα κοιμάσαι, σκάσε! Πάρε μπουκάλι, φτιάξε βόμβα και την πόλη όλη σπάσε. Σήκω και δύο πέτρες τώρα πιάσε. Φόβο και αγωνία κατά μέρος τώρα άσε. Το ξέρω είναι αδύσταχτη, αλλά μην τους φοβάσαι. Βγάλ' τα όλα από το μυαλό σου. Αθόρμητα και οργανωμένα, πάτσικα, πάτσι και τμήματα καμένα όλοι μαζί. Σαν βέλη πυρωμένα, κεριά αναμένα. Να γίνουν στάχτη όλα αυτά τα γαμημένα. Δημιουργικά σκατά που στα προσφέρουν για ζωή, ελπίδα για δημιουργία. Η καταστροφή αυτό φωτιά εδώ και εκεί για να φωτίσει την αλήθεια. Φωτιά βάλε και εσύ για να καούν τα παραμύθια. Κόκκινο το πέπλο να σκεπάσει τη συνήθεια. Πυρήνο το μέτωπο να πλώσει μαύρα δίχτυα. Ανάποδο λουρί σου βάλανε. Μην πώλησε το σύστημα σου τρώει τη ζωή. Απαντιασέ το. Το έχει πλάσει από τον ήλιο και φλέγεται την πόλη. Τι να την αγκαίγεται. Καίγεται όλη η πόλη, πόρνη καίγεται. Κανείς πια δεν ανέχεται. Τόσους πολιτικούς να υποδέχεται. Καθένας πάντα έρχεται για να προσφέρει λύσεις. Η λύση είναι στο χέρι σου και μένει να τη λύσεις. Ναι, και μένει να τη λύσεις. Βάλτε φωτιά. Να γίνει νύχτα μέρα. Να αλλάξουν τα ρολόγια, να επικρατήσει τρέλα. Βάλτε φωτιά, ο χώρος έξω να αρχίσει. Από την Ανατολή του ήλιου μέχρι και τη Δύση. Φωτιά, να γίνει νύχτα μέρα. Να αλλάξουν τα ρολόγια, να επικρατήσει τρέλα. Βάλτε φωτιά, ο χώρος έξω να αρχίσει. Από την Ανατολή του ήλιου μέχρι και τη Δύση. Programme proposé par le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte. Et donc on est, comme je vous le disais tout à l'heure, on est avec Nikki Velissaropoulou. Velissaropoulou. Voilà, c'est mieux avec l'accent. Et merci d'être avec nous donc, pour nous parler de ce film documentaire « Nous ne vendrons pas notre avenir » et surtout pour nous parler de cette lutte, de ces personnes, de ces habitantes, ces jeunes, ces vieux, ces moins vieux, ces plus jeunes, en lutte depuis donc, des années. Et donc aussi ce documentaire que tu as fait depuis plusieurs années et donc qui donne un beau résultat que vous verrez, j'espère, bientôt. Et donc, merci d'être avec nous. Et peut-être que tu peux nous raconter comment... alors, peut-être, dans un premier temps, nous raconter un peu cette lutte-là, nous donner quelques éléments. Et puis après, peut-être nous raconter cette aventure du film. Puis on reviendra aussi encore sur la lutte et la situation en Grèce également. Puisque tout ça, ça se chevauche avec la situation en Grèce, évidemment. Oui, bien sûr. C'est pas isolé dans un petit coin. Donc raconte-nous, je te laisse la parole. Merci. Vas-y. Merci de m'avoir invitée. Moi, Je suis de Thessaloniki, c'est au nord de la Grèce, juste pour mettre un peu géographiquement où on est. Au nord de la Grèce, il y a beaucoup de forêts, des cascades, la mer bleue claire, c'est une très jolie région. Et là où la compagnie est venue pour s'installer, c'est à une région, la deuxième plus touristique, la troisième plus touristique destination de Grèce. Du coup, c'est une région qu'elle n'avait pas besoin, sûrement pas besoin d'un projet minier d'or à ciel ouvert. Cette région, il a 5000 habitants qui vivent de l'agriculture, de la pêche, de l'apiculture, le tourisme, et les miels, toutes les bonnes choses, l'huile d'olive que la Grèce est connue pour. Et que le taux de chômage n'est pas si élevé que d'autres régions. Juste pour dire que... Ce qui est souvent un argument pour implanter un projet, on te dit que ça va créer des emplois, effectivement, relever la région. Et là, cette région, elle était vendue. Et il y avait, en 2003, 317 000 hectares qui étaient vendus à cette compagnie canadienne Eldorado Gold pour 11 millions d'euros. Dans cette région qui était vendue, il y a des villages, il y a une grande forêt protégée, il y a la végétation et des animaux protégés aussi, et il y a des cascades et la mer. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut pour que les gens vivent. Et c'est la mine d'or à ciel ouvert qu'ils sont en train de creuser. C'est juste à 3 km d'un village de 3000 habitants. 3 km, c'est rien, des mines d'or à ciel ouvert. On parle alors des conséquences directes et immédiates sur la santé des habitants. La compagnie, cette vente de 11 millions d'euros, elle était... Ce qui est rien du tout, justement, pour 317 000 hectares. C'était un grand scandale, parce qu'il estimait que les gains de tout ça, ça c'est de l'exploitation de l'or, ça arrivera jusqu'à 20 milliards d'euros. Oh, ça leur rapporterait 20 milliards d'euros, ils espéraient pouvoir récupérer des gains, oui. Et même cette vente, elle était la cause d'un grand scandale politique et que le tribunal grec et européen a jugé cette vente illégale et a donné des amendes à l'entreprise qui était obligée de donner encore 15 000 euros et place les intérêts au gouvernement grec. Ça s'est passé en 2003 et puis il n'y avait pas grand-chose qui s'est passé. Les gens, ils attendaient qu'il va venir à un moment l'entreprise pour commencer à creuser. Et ils ont commencé à comprendre qu'est-ce qui va se passer, de s'informer et les mouvements SOS Kalkidiki étaient créés par les habitants de la région, qui les soutenaient à ce moment à beaucoup du monde dans toute la Grèce, et l'Europe et du monde. C'est un mouvement très, très vivant et fort. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, l'entreprise et la vente s'est passée en 2003. Là, aujourd'hui, on a 2018. Et l'entreprise n'a pas encore arrivé, grâce à la lutte contre ce projet minier, de faire tout ce qu'elle espérait faire, de faire l'exploitation des mines d'or à ciel ouvert, et qu'elle est encore en galère et elle essaye de mettre la pression au gouvernement grec. Hier, dans les journaux, ça a passé un article où disait que la compagnie demande à l'État grec 707 millions d'euros comme pour des dédommagements. Parce que l'entreprise, l'État, elle n'a pas donné tous les permis encore. Parce que les gens, ils ne veulent pas ce projet. Et Et il va créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de pollution. Il va détruire l'environnement, l'économie de la région et la vie des habitants. Et c'est pour ça que les scientifiques qui ont étudié vraiment ça que l'entreprise a dit qu'elle va faire les prochains 20 ans à la région, des différents scientifiques de l'université qui sont spécialisés sur la mer, la terre, l'eau, l'environnement, le tourisme et dans d'autres facultés de domaines, ils ont trouvé que ce projet, pas seulement il va détruire la région écologiquement, mais économiquement. Et des gens, ils vont devoir partir à d'autres endroits de la Grèce ou même à d'autres pays. Déjà, en Grèce, il y a la crise, il y a un très grand courant de migration des Grecs vers l'Europe avec d'autres pays. Et ce projet de mine d'or, il va créer encore plus d'immigration. C'est ça que toutes les études montrent. D'autant que l'exploitation d'une mine d'or, c'est super nocif puisqu'on utilise pour séparer l'or des matières. Oui. Bah oui, parce que l'entreprise, justement, elle disait qu'elle ne va pas utiliser les cyanures, qu'elle va utiliser une autre méthode et que... Et tout était signé, tout était basé sur une autre méthode qui n'était jamais utilisée pour la séparation d'or des autres métaux. Et que les scientifiques disent que dans cette terre de Chalkidiki, qu'il existe beaucoup d'arsenic et l'amiante, cette méthode smart melting, que l'entreprise dit qu'elle va utiliser au lieu d'utiliser les cyanures, que ce n'est pas possible de l'utiliser. Alors, c'est pour ça que l'État ne donne pas la métallurgie, le permis pour la métallurgie. Et c'est pour ça que l'entreprise, à ce moment, elle demande cette somme énorme à l'État de dommages économiques. Ça, c'est... Mais l'État, en même temps, elle ne veut pas mettre l'entreprise dehors. Mais elle dehors donne pays, pas vraiment la possibilité non plus de produire. Enfin, d'être en activité. Oui, ouais, c'est pas très clair. À ce moment, les mineurs et les entreprises ne sont pas contents avec les gouvernements parce qu'elles n'ont pas tous les permis et que ça fait des années que les entreprises essayent de tout avoir, tout construire pour commencer l'exploitation. Et les habitants de la région, ils ne sont pas contents avec l'entreprise, avec le gouvernement de Syriza, parce que Syriza, il était élu avec la promesse de fermer l'entreprise et de l'envoyer au Canada d'où elle est venue. Et parce que le gouvernement Syriza disait que les jours qu'on va être élu, le lendemain, on va la fermer. Et il n'a pas fait ça. Et du coup, C'était en quelle année, ça, si tu peux nous rappeler? Ça, c'était les élections en 2015. Ouais. Oui, c'est assez récent. Ouais. Oui. Enfin... Oui, c'était avant il y avait toute la vente s'est passée avec les PASOK et la Nouvelle Démocratie qui soutenaient à mort ce projet et qu'ils ont il y a des preuves de beaucoup de scandales des politiques qu'ils étaient ils impliqués, ont pris ouais. Ils ont pris beaucoup d'argent de l'entreprise dans cette installation. Syriza, il n'a pas fait des scandales économiques avec l'entreprise, mais il ne l'a pas mis dehors. Et voilà, et il n'y a personne qui est content en ce moment. Et qu'on est un an avant les élections dans le pays, et que Syriza, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Parce que, je ne sais pas, je pense qu'il va vouloir avoir de bonnes relations avec tout le monde. Alors, je ne sais pas s'il va prendre une décision maintenant ou s'il va laisser les prochains de la prendre. Je ne sais pas, on verra. On fait une petite pause musicale et puis on reprend sur toute cette lutte et ce tournage. Oh, Αγία νοσταλγία, πέλαγο ανοιχτό, πόσα σκαριά έχεις πάρει για πάντα στο βυθό. Νοσταλγία, φιλώ την εικόνα σου. Δεν έχω απόψε που να πάω. Δέξουμε στο δώμα σου. Τις αγάπες μου καλώ μέσα από καθρέφτη παραμορφωτικό. Αγία νοσταλγία της μνήμης αδερφή, σαν κάθε βάλσαμο τραγούδι και στριγλιά μαζί. FPP, la jungle des luttes. Donc là, on a écouté un groupe que Nikki nous a sélectionné. C'est Thanasis Papakonstantinou. C'est un anarchiste, un compositeur, artiste anarchiste. Qui, c'est lui qui, quand il fait un concert, on a avant chaque concert des slogans comme « Liberté pour tout le monde qui est dans les cellules », des fumogènes partout, les gens qui sautent, que c'est... C'est un des plus grands compositeurs à ce moment en Grèce. Et c'est, on est fiers de dire que c'est un compositeur de gauche. Ça, merci c'est... de nous partager. Et donc, Nikki, c'est pour ceux qui n'étaient pas là au début, elle est grecque et donc elle nous propose un film documentaire, Nous ne vendrons pas notre avenir. Et on t'avait déjà invité d'ailleurs au tout début, je ne sais pas. Pas exactement quelle année, mais il y a 5 ans au moins. Ouais, hein, je pense que c'était il y a au moins 5 ans, on t'avait invité pour nous raconter cette lutte contre cette mine d'or et donc avec le projet de ce film. Donc on est très contente que tu aies réussi à aller au bout. Oui. Évidemment, faire un film quand on n'a pas de moyens, parce que c'est un film de quasiment une heure, 56 minutes. 52 minutes. 52 minutes, pardon. Donc c'est un vrai film, c'est voilà, un vrai travail. Il y a eu sûrement... plusieurs des bobines et des bobines, et puis après il faut faire un montage, sélectionner et surtout se décider, trouver les personnes qui veulent y participer, et puis ensuite le produire, etc. Donc peut-être que tu peux nous raconter cette aventure qui a été menée pendant plus de 5 ans, 6 ans et même sans doute depuis plus longtemps puisque tu connaissais déjà la région. Oui, moi j'ai passé tous mes étés de mon enfance à Khalchidik. C'est comme ça que s'appelle cette région où ils veulent installer la mine d'or. Et parce que mes grands-parents, ils ont une petite maison là-bas. Et c'était la région où j'ai associé avec les vacances, la joie, l'insouciance, tout ça, toutes ces beaux choses, les jeux. En 2012, je suis retournée à la région pour filmer un court-métrage de fiction sur une place de cette région. Et là, j'ai vu des slogans partout, des panneaux qui parlaient d'une lutte contre une mine d'or à ciel ouvert. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? On a de l'or ici? Je ne connaissais pas ça. J'avais aucune idée. Et j'ai décidé de faire la recherche et voir qu'est-ce que c'est de l'or et pourquoi les gens ils luttent contre. Et là, je parlais avec des habitants de la région, des scientifiques, des anciens mineurs, parce qu'avant, il y avait aussi notre compagnie minière canadienne, TVX, que les habitants ils ont réussi à mettre dehors. À mettre dehors. Ça, il y avait déjà une autre compagnie qui voulait mettre la main sur les ressources en Grèce. Et là, tout le monde m'a dit que cette mine, ça va être la catastrophe pour la région et qu'ils ne veulent pas et que pour l'avenir de leurs enfants, ils essayent de l'empêcher. Et là, je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Moi, je viens de la fiction, mais je me dis, bon, là, je dois faire un documentaire. Et là, j'ai commencé à faire la recherche et à parler avec des gens dans des différents villages pour voir comment je voulais faire le documentaire. Je n'avais pas de l'argent, je n'avais pas de caméra. Il avait heureusement une amie Stella Veliu qui m'a prêté sa caméra. Elle est venue filmer avec moi. Il avait Manolis Makridaki, ce son, qui est venu aussi comme ça, sans argent. Il avait Kiki Moustakidou, une jeune journaliste qui l'a... Dès le début aussi, elle est venue pour m'aider à construire ce documentaire. Et on a commencé, dès 2012, de filmer et de parler avec des gens et de filmer aussi les débuts des travaux. Et comment la déprise, elle a commencé à couper les arbres, les arracher, à vrai dire, et de créer des trous pour vider la montagne de l'eau. Je ne sais pas comment on dit en français quand on fait des trous dans la terre. Oui, avec des systèmes d'explosion où tu fais... Il faut avant creuser pour rechercher des minéraux, des métaux, de vider l'eau de la montagne. Et là, c'est pour ça que là, ça commence déjà la destruction parce que toute la région prend son eau de cette montagne. Et toute l'agriculture, les gens qui veulent boire, par jour la déprise, ils disent qu'ils vont utiliser les besoins en eau de 300 000 habitants par jour. C'est énorme. C'est énorme. Dans une région où il y a 5 000 habitants. Ah oui, ça c'est énorme. Et là, après, j'ai parlé avec beaucoup de gens hein, de tous les âges. Vraiment. Et je me dis, mais je ne sais pas, il me faut autre chose. Il me faut quelque chose qui montre l'espoir de la jeunesse. Et j'ai commencé à filmer les jeunes. J'ai commencé à filmer Dimitri Garifalia, deux jeunes collégiennes. Elle avait à l'époque 14 ans. Et leur famille et leurs amis, comment elles prennent conscience politique dans ce contexte de lutte contre la mine d'or, mais aussi dans ce contexte de crise. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est aussi la crise en Grèce à ce moment-là et que toute l'incertitude de qu'est-ce qui va se passer, l'avenir, C'est, et les deux filles, j'ai, et leur famille, elles m'ont laissé les filmer jusqu'à l'université. Alors, du collège jusqu'à l'université, c'était énorme. C'était 5 ans de tournage qui était... Tu retournais tous les ans? J'ai retourné 3 fois, 4 fois par an pour aller les filmer. On est devenus très proches des amis. J'habitais chez eux. Ils nous recevaient à chaque fois. Il avait mes parents qui faisaient à manger, pas dans les tournages parce qu'il avait, on n'avait pas de budget. Jusqu'à la fin 2006, c'était un projet autoproduit. Après, il avait, en 2006, on a fait un crowdfunding. Et heureusement que les gens, ils ont cru au projet et ils ont mis de l'argent de tous les parties de la Terre, la Grèce, la France, l'Angleterre, l'Espagne, l'Australie, le Canada, il y avait des États-Unis. Les gens, ils ont cru à ces projets, et heureusement, parce que moi, j'avais commencé à ne pas avoir du tout de l'argent pour aller filmer. C'était impossible de continuer. Et la solidarité, c'est quelque chose qui a gardé cette lutte vivante et qui a permis aussi de finir ce documentaire que c'est un outil à utiliser pour tous les gens qui luttent. Et parce que cette lutte, c'est un exemple de beaucoup de luttes qui se passent en Grèce et dans le monde. Parce qu'on voit deux familles, deux jeunes filles lutter et avec toutes les difficultés qui peut avoir une lutte qui dure des années et qui a toutes les difficultés qui, économiques aussi dans une région, qui, bon, dans la Grèce, de la crise. Et j'ai choisi de filmer deux familles très différentes entre eux. Il y a la famille de Garifalia, qui est une famille très traditionnelle, traditionnaliste, très orthodoxe, religieuse. Ils vont à l'église dès que l'église ouvre, chaque jour. Et c'est... Mais ils ont compris, ils n'avaient jamais fait des manifestations avant dans leur vie. Ils pensaient que l'État est là pour les protéger, la police aussi, elle est là pour protéger. Et qu'ils avaient vraiment, quand ils voyaient les journaux télévisés où il y avait des bagarres de la police, des anarchistes ou des manifestants, ils disaient, mais ils devraient faire quelque chose quand même. Si... Et les arrêter, ouais, ces manifestants. S'ils les arrêtent, ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Et après... C'est ces familles et des familles comme cette famille qui votait pour la droite, qui était vraiment fermée dans leur façon à vivre, et qui ont vu et même l'oppression de la police qui est venue, qui attaquait les villages qui résistaient contre les mines, qui a jeté des gaz lacrymogènes dans leur école. Et que les filles, que les garçons, des enfants qui allaient à cette école, ils voulaient plus retourner à l'école parce qu'ils ne se sentaient pas en sécurité. Et que... Il y a eu une prise de conscience à ce moment-là. Ah oui, ouais. Il avait des gamins de l'école maternelle qui étaient choqués, qui ne comprenaient pas mais qu'est-ce qui se passe. Même les gamins de l'école maternelle, on les voit dans les films, les tout petits, qui ne comprennent pas tout à fait qu'est-ce qui se passe, mais ils n'aiment pas la police. Et ils ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe avec l'État et qu'ils ont méfiance dès cet âge. Avec ça qui se passe à la télé. Parce que les moments que le gaz lacrymogène était jeté à l'école, à ce moment, les journaux télévisés ils disaient que non, il n'y a rien qui se passe. Et l'autre famille, c'est une famille de gauche, une famille anarchiste. Et la petite que j'ai filmée, Dimitra, c'est une fille qui, dès ses 14 ans, elle écrit « Poco son assassin »,« Batsi gourougna dolophonia » en grec. Et elle est en conflit toujours avec la police. Elle déchire son livre de civil, de droit ou d'histoire? Non, c'est les droits civiques. Ouais. Et là, on apprend qu'est-ce qu'est la démocratie et que l'État nous protège, que voilà tout ça, que s'il y a une entreprise qui vient s'installer, il faut respecter les habitants et l'environnement. Elle déchire les bouquins parce qu'elle ne veut plus lire des choses qu'elle voit que dans la réalité, vraie vie, ça se passe très différemment. Et on voit les deux filles qui dans des circonstances, d'autres autres circonstances, elle n'aurait jamais été amie, et qu'elle devienne amie. Et qu'une petite anarchiste athée avec une petite religieuse très traditionnaliste qui n'a pas de Facebook, pas de téléphone portable, pas, elle ne porte pas de jupes courtes, elle ne sort pas avec des garçons. C'est... Les deux deviennent amies. Aux antipodes, ouais, toutes les deux. Parce qu'elles se réunissent sous les mêmes causes. Et c'est sauver les régions et ne pas laisser... Et dans le film, on les voit discuter toutes les deux, argumenter contre la mine d'or. Mais du coup, ça, c'est des dialogues qu'elles-mêmes ont... C'est elles-mêmes qu'on construit ce dialogue ou toi, tu as écrit avec elles. Parce que du coup, ça, c'est l'introduction du film qui est assez jolie, qui donne vraiment envie de continuer à voir ce film. Elles sont au bord de l'eau et elles racontent pourquoi cette mine n'a aucune place sur leur territoire et de manière générale. Tous les films, il n'y avait pas quelque chose qui était écrit, comme, il n'y avait pas de dialogue que j'ai écrit moi. Moi, à chaque fois, j'allais, j'ai discuté avec les filles, avec les familles, avec les amis. Je disais, voilà, vous savez, on va faire... mon but, c'est montrer votre politisation et votre vie, votre prise de conscience politique. Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement? Qu'est-ce que ça vous a changé la vie? Qu'est-ce que ça vous a fait réfléchir? Et à partir de ça, moi, j'ai allumé la caméra. Et puis les gens... Et les gens, ils commençaient à parler. La caméra a enregistré pendant 45 minutes. Des 45 minutes, on a gardé... 30 secondes. Voilà, 30 secondes, une minute. Oui, selon, ouais. Et c'était vraiment... Les gens, ils avaient envie de parler de tout ça. C'est pour eux aussi, c'était thérapeutique, on peut dire, de pouvoir s'exprimer, que... Et les adultes prennent sérieusement la jeunesse qui attend de eux de s'exprimer, et l'espoir. Oui, il y a quelque chose dans ce film qui est vachement touchant, c'est justement le regard d'une génération sur l'autre génération. C'est-à-dire les parents aujourd'hui qui regardent les générations antérieures, qui regardent leurs enfants, les enfants qui regardent leurs parents en lutte. C'est pas mal montré, ça. Oui, ouais. Oui, c'est vrai qu'on voit trois générations. On voit la génération des filles, des adolescentes, et on voit la génération des parents, et on voit la génération qui vient après, les tout petits. On voit les parents qui essayent de transmettre à leur famille, à leurs enfants, des idées, des idéaux, et l'histoire, de leur propre histoire, et l'histoire du pays. Et comprendre et expliquer pourquoi on est arrivé aujourd'hui et là où on est. Et à quel moment on a arrêté, par exemple, à lutter. Et est-ce qu'il faudrait continuer? Et là, qu'on est au point qu'il y a... parce qu'il y avait la dictature en Grèce, il y avait des guerres, la guerre civile avant, il y avait beaucoup de... La Grèce est un état tout jeune. Ça fait 100 ans et quelques qu'elle est indépendante. Comme on la connaît aujourd'hui. Alors, c'est normal que dès que son indépendance, il avait la guerre et après, elle était endettée très vite parce qu'en 1821, qu'il avait la révolution grecque, les révolutionnaires, ils ont demandé des prêts de l'Angleterre pour pouvoir avoir acheté des armes. Alors, c'est un pays qui était endetté dès son début. Et ça a continué. Aujourd'hui, on vit la cinquième crise économique, oui. Sérieuse. Et l'Union européenne, elle connaissait quand elle a fait rentrer la Grèce dans l'Union européenne. Oui, c'était tout un débat, justement. Oui, ils connaissaient ça. Les mauvais élèves, comme on dit souvent, ceux qui doivent rentrer, pas rentrer, comment on traite les pays en difficulté ou pas. Ah oui, c'était juste qu'ils voulaient créer un nouvel marché pour que la Grèce achète des armes, qu'elle achète des produits qu'elle n'avait pas besoin forcément, des choses qu'elle devrait être endettée pour pouvoir prendre des prêts des banques pour pouvoir acheter. Et c'est normal que la crise est arrivée, la Grèce s'est trouvée à ce point. Ouais, c'est ce qu'on voit aussi dans le film, le fait que justement, il y a eu la dictature et après la dictature, une sorte de la lutte politique contre la dictature. Puis après, ce besoin de souffler, d'être en pause et en se disant bon, on peut enfin se reposer, fini la dictature. Et pendant tout ce temps-là, ça a galopé et le monde a continué de tourner avec tous les travers qu'on connaît dans tous les pays, le système... capitaliste qui explosait partout. Voilà. Et donc, tout à coup, on voit avec, autour de cette lutte, et j'imagine que dans plein d'autres endroits en Grèce, évidemment, il y a d'autres gens qui ont d'un coup pris conscience de ce qui se passait et du besoin de lutter. Et on sait bien qu'en Grèce, il y a eu, on en parlera tout à l'heure aussi, de ce qui est en train de se passer, de toutes les mobilisations qu'il y a eu, parce que bon, il y a eu une sorte d'apathie, enfin, dans les générations antérieures, mais là, il y a quand même une grande mobilisation politique des Grecs. Et donc, justement, ce documentaire, tu as réussi à le faire grâce à ton crowdfunding qui a permis de relancer un peu le processus de tournage. Et puis, du coup, ça, c'était en 2016-2017. Oui, et puis... Et je continue. Ouais, voilà. Et puis après, il y avait une bonne nouvelle que France 3 Corse, ils cherchaient pour un film. Moi, je trouvais une jeune productrice. Et France 3 Corse cherchait pour un film grec. Et j'étais étonnée par le fait que la télé grecque, la télé de Corse, elle était très sensibilisée sur les sujets écologiques et aussi sur la jeunesse révoltée. Et elle m'a aidé à faire un film comme moi je l'imaginais. Et ça, c'était... ils m'ont jamais dit de non, il faut pas faire ça, il faut parler autre. Les gens, ils étaient vraiment pas très... de censure véritable. Il était vraiment, il était génial. Et aussi après, on a eu aussi la CNC. Et comme on avait la télé de la Corse, France 3, qui était en coproduction. Et puis, ça a ouvert des portes. Ça a ouvert des portes. On a eu la CNC et aussi la télé publique grecque, qui elle ne voulait pas au début, mais deux gens qui ont lutté dans la télé publique grecque. Je ne sais pas si vous connaissez, mais la télé publique grecque, elle était fermée par le gouvernement de droite avant, pendant deux ans. Du jour de l'enterrement, l'Union européenne, elle voulait 3 000 licenciements en Grèce. C'était 3 000 les travailleurs de la télé publique grecque. Hop, fermé la télé. Ils l'ont fermé, comme ça. Ça, on se rappelle, normalement, ça avait fait du bruit. Si les gens étaient un peu courants, enfin, moi, je m'en rappelle très bien de ce moment-là où c'est resté des années sans télé publique grecque. C'était choquant, c'était vraiment choquant. Et les gens qui ont soutenu les films, qui ont assisté, parce que quand même, il ne faut pas oublier que là, la télé publique grecque, elle est un peu avec Syriza, chaque gouvernement à chaque fois, qui est le pouvoir, chaque parti qui est au pouvoir. Là, il y avait des gens qui ont lutté pendant deux ans pour la télé publique, pour une meilleure télé publique et pour que la télé publique réouvre, qui ont lutté maintenant pour que les films passent à la télé. Et la femme qui a vu mon film au début de la télé publique grecque, elle m'a dit que c'est vraiment identifié avec la lutte de ces jeunes filles adolescentes, parce que sa fille, quand la télé publique elle était fermée, elle était adolescente, elle a vécu cette fermeture brutale et aussi la lutte pour jusqu'à la réouverture de sa mère. Et c'est pour ça que les gens ils s'identifient avec les deux jeunes du film et leur famille qui lutte et qu'ils soutiennent le film finalement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui il existe les films finalement. Oui, et donc finalement tu as eu des soutiens. Au départ, tu ne croyais pas forcément à des chaînes publiques, etc., qui pourraient être ouvertes justement à un film documentaire qui dénonce clairement les politiques. Aujourd'hui, gouvernement. Après, en même temps, je pense qu'il y a une certaine habileté de ton travail pour rendre ce film accessible à tous, à des grands publics, pas forcément des gens militants, pas forcément des gens qui connaissent très bien la situation. Et du coup, c'est un film justement abordable par tous. Mais bon, au départ, tu as été déjà produit sans même qu'on connaisse le résultat. Il y avait déjà eu des financements, donc ils t'ont fait confiance. Donc finalement, parfois, ça vaut le coup de tenter. Et insister. Oui, prendre des risques. On va faire une petite pause musicale et on revient. On revient avec Nikki sur Nous ne vendrons pas notre avenir. Une lutte contre une mine d'or en Grèce. Άιντε δυο πουλιά, φιλιούνται σε ένα δέντρο. Άιντε πέφτει λάβα, λάβα απ' τα φιλιά τους. Άιντε κεφτερά, πολυθωμένα απ' τα κορμιά τους. Avec Nikki, qui a fait donc un film documentaire avec les personnes luttant contre une mine d'or, une entreprise canadienne, donc en Grèce, dans le nord de la Grèce, dans la région de Thessalonique. Et donc, elle nous racontait comment son processus pour filmer, rencontrer, passer du temps avec les gens, les laisser s'exprimer, laisser la bobine tourner et puis du coup réussir à trouver les moyens de financer ce film et de pouvoir venir à bout et donc ensuite de pouvoir le produire. Et donc on peut peut-être aussi revenir sur cette lutte là qui donc se poursuit déjà depuis des années et continue encore, puisque si vous l'avez compris, il y a eu des avancées du point de vue de l'entreprise, mais aussi les moyens de reculer grâce à la mobilisation des gens. Peut-être que tu peux nous raconter un peu réellement cette lutte dans ses petits détails et en plus une manière aussi de vous sensibiliser, puisque si vous avez envie de soutenir cette lutte et de vous y intéresser, vous pouvez déjà apprendre un peu ce qui s'est passé, puis après pour les soutenir, puisqu'il y a plusieurs procès en cours, et puis des besoins financiers, besoin d'être soutenu aussi. Plus ça fait du bruit, mieux c'est pour toutes les luttes. D'ailleurs, c'est un peu pareil dans le monde. C'est pour ça que la jungle des luttes, le programme qu'on vous propose, on essaye de justement faire se croiser des luttes qui sont en général en bas et à gauche, comme on dit, avec l'expression reprise des apatistes, pas pour prendre le pouvoir, mais pour lutter contre le système capitaliste. Donc du coup, là, c'était un exemple justement, avec un peu comme le village d'Atenco à Mexico. Atenco, donc autour de la ville de Mexico, il y avait le projet d'un aéroport international. Et j'en profite de le mentionner, puisqu'on en a parlé très souvent avec vous, où c'est des paysans qui voient arriver des grandes entreprises pour un projet, un méga projet, et eux destinés à disparaître de la carte et leur activité agricole à fondre sous l'asphalte. Et donc, il y a aujourd'hui justement eu encore des attaques et 15 blessés. Donc, il y a des mobilisations selon vos possibilités. Voilà, il y a de quoi se mobiliser autour de lutte contre des grands projets. Et on connaît celui de Notre-Dame-des-Landes, justement. On a souvent fait le lien entre Atenco et Notre-Dame-des-Landes. Mais donc, voilà, c'est des gens qui, au départ, sont des paysans qui vivent tranquillement dans une région qui, aujourd'hui, après, se retrouve entre les mains de capitalistes et vouée à la destruction. Et donc, voilà, un hommage à tous ces villageois qui luttent contre les grandes entreprises. Donc, je te laisse la parole, Niki. C'était juste un petit aparté auquel on n'a pas le temps d'en parler. Donc, la lutte continue au Mexique aussi. Oui, il y a des luttes partout. Et c'est pour ça que c'est bien d'apprendre des autres luttes dans d'autres pays, dans d'autres régions, parce qu'on prend aussi du courage et on devient solidaire avec tout le monde qui est en lutte pour des causes contre des grands projets, contre le capitalisme. Mais là, par exemple, pour revenir un peu à Chalkidiki, Eldorado Gold, elle a ses plans, pas seulement cette région de Chalkidik. Chalkidik, c'est une péninsule au nord de la Grèce, mais aussi des régions, beaucoup d'autres régions au nord de la Grèce. Il y a Kilkis, il y a Thraki, il y a beaucoup de comme il y a beaucoup de métaux à ces endroits-là, qu'il est très peuplé, l'entreprise canadienne, elle veut mettre ses mains partout. Et les gens, ils luttent contre ça et ils ne laissent pas l'entreprise avancer à d'autres régions. Et il essaie avec toutes ses forces de l'arrêter à la région de Chalkidik qu'elle a commencé, parce qu'à cette région, il avait une histoire déjà avec une autre compagnie canadienne qu'il y allait. Et c'est pour ça qu'il y avait des gens qui étaient un peu... il avait des gens qui l'avaient accepté un peu que la compagnie vienne, la première compagnie qui est venue canadienne au départ, TVX. Mais les gens, ça fait des années et des années qu'ils luttent, et que quand ils ont vu, par exemple, les années 2012, 2013, 2014, la lutte, elle était vraiment très forte. Et il y avait beaucoup de manifestations partout. Les gens, les mamies, les grands-parents, les enfants, tout le monde, de tous les âges, de tous milieux différents, luttaient. Et quand Syriza est venu au pouvoir, ils ont pris un moment pour se reposer, parce que toutes ces années de lutte, ils n'ont pas seulement fatigué psychologiquement, mais aussi économiquement. Parce que là, on a aujourd'hui 450 personnes qui passent un procès et que chaque mois, il y a des différents procès pour ce sujet de contre la mine d'or. Et les gens, heureusement, ils se jugent innocents parce que la plupart des cas, c'est des accusations fausses de policières et de l'entreprise des anciens politiques corrompus. Mais les gens, ils ont besoin de l'argent parce que les procès, ils ne sont pas finis. Et que jusqu'à aujourd'hui, la lutte continue, il y a toujours des manifs. La dernière manifestation, c'était en septembre. Là, il y a une semaine. Ils ont besoin, je pense, à ce moment-là, qu'ils les critiquent parce que l'entreprise, elle met tout cet moyen pour mettre la pression au gouvernement grec pour qu'elle puisse prendre tous les permis. Les gens, ils ont besoin aussi de l'extérieur, de l'enforcement. Du soutien. Du soutien. De psychologique, économique, politique, tout ce que chacun peut donner, en fait. Et ça, c'est important pour eux. Parce que c'est très difficile de continuer à lutter pendant des années, pendant une décennie presque. C'est très difficile. Et parce que du coup, ils ont lutté comment, avec quels moyens? Ils ont créé une radio, ils ont créé un journal où ils ont été chercher de l'aide, où il y a une association qui a été créée, où il y a des collectifs de soutien. Comment ça se passe? Il y a beaucoup de différentes... comité. Chaque village, il a sa propre assemblée où les gens, ils se trouvent une fois par semaine et ils discutent des nouveautés, qu'est-ce qui se passe sur les sujets. Et après, une fois par mois, les gens des différents villages, ils se trouvent pour se coordonner. Et ils ont... Il y a combien de villages? Ouais, je ne sais pas combien de villages, il y en a beaucoup. Hein. C'est 100 000 habitants, c'est beaucoup de villages. Les plus grands villages, c'est 5 000 habitants. Du coup, il y a vraiment beaucoup de villages. Je ne sais pas. Mais là, les gens, ils ont fait beaucoup. Par exemple, les musiciens qu'on écoute, Thanas Papakonstantinou, je l'ai choisi aussi parce qu'il a fait beaucoup de concerts de soutien pour la lutte sur les Chalkidikis. Pour les gens, pour soutenir économiquement les mouvements et les procès qui sont à venir. C'est quelqu'un qui, avec ses musiciens, il soutient ouvertement la lutte. Et après, les gens, ils ont créé des sites internet, il y a des émissions qui parlent sur les sujets, ils font toute la communication qu'ils peuvent. Ils font aussi des procès contre la déprise. Mais tout ça, il a besoin de l'argent, même pour faire un procès contre... Du coup, tu peux peut-être donner justement des coordonnées pour que des gens puissent éventuellement chercher, regarder s'il y a des sites qu'ils peuvent consulter. Après, c'est peut-être en grec, c'est peut-être un peu compliqué, j'imagine. Mais oui. Peut-être qu'il y a... toi, tu as peut-être un moyen de donner de l'information et de faire passer éventuellement de l'aide, du soutien, s'il y a des gens qui veulent se mobiliser, peut-être qu'ils peuvent se mettre en contact avec toi. Oui, moi je suis toujours en contact avec les habitants, je retourne les voir à chaque fois que je vais en Grèce. Si vous voulez que je vous donne plus d'informations, vous pouvez me contacter, il y a la page du film « Nous n'inventerons pas notre avenir » sur Facebook. Et puis, vous pouvez me contacter aussi par message ou par mail. Mon mail, c'est nikki-velis@hotmail.com. Mais je pense que le plus facile à retenir, c'est « Nous n'inventerons pas notre avenir », que c'est la page Facebook du film, où vous pouvez m'envoyer un message et je peux vous dire, à mon avis, qu'est-ce que ça peut aider pour les habitants. Oui, et puis peut-être que nous, avec le comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte, à un moment ou à un autre, peut-être qu'on pourra aussi faire une projection, si c'est possible, un jour, et puis prendre l'occasion du coup, justement, d'inviter les gens à éventuellement se mobiliser pour soutenir ces villages en lutte. Là, déjà depuis 15 ans, ça fait long. C'est long, une lutte de 15 ans quand... Au départ, voilà, il y a une génération en fait qui a vécu dans la lutte contre la mine d'or. En fait, c'est un petit peu aussi ça l'histoire qui, voilà, c'est. Oui, avec ses bas et ses hauts. Et c'est pas tout le monde qui a commencé à lutter au même moment. Il y a des gens qui étaient déjà sensibilisés sur l'écologie, plutôt des anarchistes qui étaient sensibilisés dès le début. Et tous les autres qui sont venus au fur et à mesure, au fur des années, au long des années. Par exemple, la famille de Raël Falla, elle a commencé à lutter vraiment vers 2011-2012. Ça, c'est... Mais c'est normal parce que chacun il vient de milieux différents et sa prise de conscience politique différencie. C'est pas la même. Et c'est pour ça qu'on doit continuer à parler à des gens, même s'ils ont des opinions différentes, et les sensibiliser. Et on peut faire une projection, bien sûr, du film aussi. Et en novembre, on n'a pas encore une date, on pense qu'on va faire une projection aussi à Publico. Mais quand on va avoir plus d'informations, je vais les mettre sûrement sur la page du film. Nous n'inventerons pas notre avenir. On fait une petite pause musicale et on reviendra peut-être un peu sur la situation en Grèce, ce qui se passe et puis ce qu'il en est réellement de la lutte là aujourd'hui, quelles sont les ouvertures, les possibilités, l'horizon. 106.3 FPP, la jungle des luttes, on continue. Ποιος είδε και τις αγκαλιές που δώσα και που πήρα. Ποιος άκουσε τα βήματα απ' τους κακιού το πιόνι, ποιος άκουσε τον ίδρωτα που πέσε στο σεντόνι. Αγάπη μένει jungle des luttes, FPP, on continue, on est toujours avec Nikki. Et donc, ouais, c'est ça, je te laisse le dire comme ça, Nico. Mais Velisaropoulou, non, le ro, il est trop heureux. C'est ça. Et donc, voilà, notre avenir, nous ne vendrons pas notre avenir. Voilà, c'est ce film dont il est question, un film documentaire autour donc d'une lutte contre une mine d'or menée par les habitants, les premiers touchés. Et donc, justement, il n'y a pas des partis qui ont repris cette lutte ou des grandes associations écologiques, etc., où c'est vraiment que ces habitants, finalement, qui s'organisent avec leurs assemblées, parce que quand même, ils ont du coup une sorte d'organisation, de collectif là, depuis donc des années, depuis 2003. Ça qui se passe, c'est que les habitants, ils ne veulent pas des partis qui vont prendre cette lutte. Avant, c'était Syriza. Et Syriza... les a trahis finalement un peu. On peut dire ça, peut oui. Dire. Alors, il y a beaucoup de gauches, des anarchistes, des associations, des organisations qui les soutiennent. Mais ils ne sont pas là pour les couvrir. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais en Grèce, on dit qu'il te met un chapeau. Et là, tu vis sous les chapeaux de chaque parti. Ils ne vont pas, ils veulent pas être sous l'emprise de ces grandes... Ouais. Il y a SOS Chalkidiki, il y a la lutte contre la mine, et tout le monde qui les soutient au-dessous. Ça, c'est eux les sujets principaux de la lutte. Ouais. Oui. Et là, c'est la lutte, cette lutte en Grèce, c'est pas la seule. C'est un exemple de qu'est-ce qui se passe à ce moment en Grèce. Ils sont en train de vendre tout. Les ports sont vendus, chinois, les avions, tous les aéroports aux Allemands, les trains aux Italiens, l'eau, ils veulent devenir française. Il y a l'électricité, tout le monde, toutes les choses en Grèce, ils sont en train de se vendre. Et toutes les entreprises multinationales, ils veulent venir et mettre leurs pieds et leurs mains partout. Et les gens, ils sont vraiment très mal. Les retraites baissent tout le temps. Parce qu'on dit que la Grèce est sortie de le mémorandum, mais en vrai, les mesures d'austérité, ils sont toujours là et très, très graves. Ils sont très graves. Les taxes sont vraiment très lourdes. Et les Grecs payent beaucoup plus de taxes que les Français, que beaucoup d'autres pays. Et il y a eu une baisse des salaires en plus, du coup. Hein, il y a une baisse des salaires qui ne s'arrête pas. Il y a, en Grèce, tu es imposable. Si tu gagnes 5 000 euros par année, tu es imposable. Tu payes des impôts et tu n'as pas droit d'avoir des aides de location, des aides... C'est seulement les loyers qui n'ont pas si cher, mais quand même, si tu as une grande famille, tu vas payer 500 euros pour un loyer. Alors, si tu gagnes 500 euros et tu as une famille et il y a un seul qui gagne et qui travaille parce que l'autre il a perdu son travail, tu ne peux pas vivre. Et les gens, jusqu'à maintenant, ils vivaient avec les retraites de leurs parents qu'ils avaient un revenu stable. Et tous les parents, ils aident leurs enfants. Mais les retraites baissent. Moi, à chaque fois que je parle avec ma grand-mère au téléphone, elle me dit « Ah, ça a baissé encore 20 euros, encore 100 euros, encore 50 euros. » Tout le temps. Et on parle des retraites, elle a une retraite de 600 euros. C'est pas... Elle est imposable, il faut se chauffer, l'électricité, elle est beaucoup plus chère qu'en France. J'ai beaucoup d'amis qui ont des entreprises, que toutes les entreprises, même ici, ils marchent avec des prêts, des banques, tout ça. Bon, en Grèce, on ne peut pas avoir des prêts, de toute façon, aussi dans les entreprises. Les banques, c'est mort. Les gens qui ont des entreprises, qui travaillent du matin au soir, ils voient juste l'argent passer devant eux. Juste pour faire fonctionner l'entreprise. Ouais. Oui, ils arrivent au milieu du mois et ils commencent à manger du riz. Ça, c'est ça qui se passe en Grèce. Et tout ça, ça fait vraiment beaucoup monter le fascisme. Il y a des jours, il y avait encore l'aube dorée, qui à ce moment, elle passe un procès parce qu'elle a tué il y a 5 ans Pavlos Fissa. Pavlos Fissa, c'est un rappeur antifasciste. Il y a le procès de l'Aube dorée et il y a à ce moment des concerts pour les 5 ans de sa mort et pour soutenir la famille de Pablo Suissas et pour que ces procès finissent à un moment et que les responsables soient jugés. Et il y a des fascistes qui tournent autour et qui frappent des immigrés et des immigrés et des Grecs. Ils tapent tout le monde. Et il y a deux jours que j'ai tapé un jeune de Syriza qui l'a envoyé à l'hôpital, qui est encore à l'hôpital. Ça, c'est... Et là, toute cette pauvreté, les mesures d'austérité, et le fait que Syriza, il n'a pas pu tenir ses promesses, il a fait monter le fascisme, et les gens, ils deviennent des hooligans. Avec tout cette je sais pas colère sort vraiment très tordue vers des gens qui sont les plus pauvres et les plus faibles. Ça c'est après c'est je sais pas si Ouais, parce que du coup, cette situation, ça met en difficulté justement ces gens qui luttent contre la mine, ça les met en difficulté. Et tous les Grecs en ce moment sont en difficulté. Ça fait quand même déjà plusieurs années. Oui. Ouais. Bah oui, les gens de la mine, ils ont les procès. Ils doivent à ce moment remettre beaucoup d'énergie sur la lutte. Parce qu'il n'y a pas que la lutte contre les mines. Et là, tous les autres trucs qui passent, ils perdent leur travail. Ils ont la moitié des Grecs. C'est presque devenu un détail au jour d'aujourd'hui. Ouais. Va perdre leur maison parce qu'ils ont les banques qui veulent les récupérer, parce qu'ils avaient des prêts. Quand ils avaient un travail, qui payait les prêts. Maintenant, ils n'ont plus de travail, ils ne peuvent pas payer les prêts. Alors, ils vont les prendre leur maison, ils vont être à la rue. Alors, les gens, ils ont besoin de soutien parce qu'à ce moment, la déprise, il faut qu'elle parte. Parce que c'est la seule chose qui peut faire vivre vraiment la région, c'est comme elle vivait jusqu'à maintenant avec le tourisme, l'agriculture, la pêche et tout ça. Et tous les métiers vont être perdus à cause de la pollution qu'il va avoir dans l'eau avec les cyanures, l'arsenic, l'amiante et toutes les explosions. Ils vont amener à l'air toutes la pollution énorme, la pollution toxique, la poussière. Ouais. La poussière toxique. Toxique, ouais. Et tout va être pollué. Du coup, peut-être que tu peux redonner des indications pour que les gens puissent éventuellement rester en contact avec toi. Parce qu'on fera après une petite pause, micro-pause musicale avant d'avoir une copine qui finalement peut nous joindre pour nous passer des petites informations. On reprend tes coordonnées. Vous pouvez me contacter sur Facebook, sur la page « Nous ne vendrons pas notre avenir ». Ou sur ma page Facebook Niki Velisaropoul, mais c'est plus facile, nous ne vendrons pas notre avenir. Et là, moi, je peux vous dire comment on peut faire pour aider les gens dans la région. Et sinon, je voulais remercier aussi la Batachange et Fanny Chrétien, qui a cru à ce projet, que le documentaire puisse finir. Et tous les gens qui, toutes ces années, ils ont aidé. Et aussi que Jérôme Mercier et Brigitte, qui ils ont fait l'affiche du film, qu'elle est très jolie. Très jolie, très jolie. Et je les remercie beaucoup tous les deux. Merci à toi, Niki, d'être venue avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion de parler encore à travers Grâce au film, qui est un bel outil justement pour pouvoir communiquer autour de cette lutte et de la situation en Grèce de manière générale. Et puis comme la lutte continue, on aura peut-être l'occasion de te faire venir à nouveau nous raconter la suite des événements. Merci. Merci beaucoup. Να μην μπορείς να κοιμηθείς Πράμα να μάν μόλις τον ανασάνεις Θα κοιτημάρεις τα μαλλιά Πράμα να μάν κράνα για σκουλαρίκια Και μες στο στόμα θα γυρνά πράμα να μάν ρητορικά καλύκια Και μες στο στόμα θα γυρνά πράμα να μάν ρητορικά καλύκια κατεβεί σαν αρχοντά. Μπραμάνα μα, αν θα κατεβεί σαν λύκο. Να πάρει χρώμα και ζωή. Μπραμάνα μα, αν τη μοναξιά ο κήπο. Τα μελισσάκια θα γυρνούν. Μπραμάνα μα, γύρω από τι πολυθρόνε. Και το νερό το κρυσταλλό. Μπραμάνα μα, αν θα ρέει απ' τις οθόνες. Και το νερό το κρυσταλλό. Μπραμάνα μα, αν θα ρέει απ' τις οθόνες. 6.3 FPP, la jungle des luttes. Pour finir, il nous reste un micro quart d'heure. On a une copine qui, je ne sais pas de quoi elle va vouloir nous parler, parce que peut-être qu'elle peut nous parler un petit peu de tout. C'est-à-dire qu'il y a et le projet de faire partir, grâce à une association, des jeunes Togolais au Mexique, et notamment au Chiapas, pour découvrir la lutte zapatiste, comme on en avait déjà parlé d'ailleurs il y a quelques années, puisque c'était, je crois, il y a deux ans peut-être, déjà des jeunes qui étaient partis. Et puis on a aussi la possibilité de parler peut-être donc des deux de cette semaine intergalactique qui a été organisée à Notre-Dame-des-Landes à l'ambassade. Donc bonjour à toi, comment ça va? On n'a pas eu trop le temps de se préparer, donc désolé pour les auditeurs et peut-être pour notre copine si ça cafouille, mais donc merci de nous avoir appelé. Ça marche pas quand on appuie sur le bouton. Allô? Allô, allô, allô, ça marche pas. Bon, alors en tous les cas, j'ai oublié de vous le dire, donc je vais pouvoir vous le dire parce que j'ai pas eu le temps de vous le dire. Nous vous attendons samedi 29 septembre au CICP à partir de 14h, puisque c'est notre journée de distribution du café zapatiste que certains ont déjà acheter en amont, ce qui nous permet de payer les producteurs. Et puis d'autres, vous pouvez venir nous rendre visite pour acheter du café, mais aussi éventuellement des livres, de l'artisanat. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, on exposera les gravures du CNI, Conseil National Indigène, des gravures qui ont été faites pour soutenir le Congrès National Indigène par différents artistes du Mexique. Donc on aura cette petite expo de gravures, et pour ceux qui la connaissent, il y a des gravures qui ont été distribuées, un autre jeu de gravures qui avait été acheté, qui a été distribué comme lot à une loterie, mais il nous reste des gravures que nous mettrons à la vente. Donc si vous voulez venir nous voir samedi à partir de 14h au CICP, 21 Terre rue Voltaire, au métro rue des Boulets. C'est dans le 11e, bienvenue, ce sera avec plaisir qu'on pourra partager aussi avec vous, discuter et tout et tout. Alors, est-ce qu'on a notre ligne téléphonique? Est-ce que ça marche? Salut. Oui, je crois. Ah, là, c'est bon. Salut, merci beaucoup de nous avoir appelés. Du coup, on a quelques... on n'a pas grand temps. On a six minutes devant nous, mais ça laisse le temps de dire plein de choses, des fois. Alors, je te laisse prendre la parole et nous communiquer ce que tu as envie. Alors, du coup, on s'était dit qu'on pouvait parler de ce projet que nous, on appelle Togo-Mexique. Donc, qui est de permettre à quelques volontaires à chaque fois du Togo de partir au Mexique et en fait au Chiapas, quoi, pour découvrir un petit peu la lutte des zapatistes, comment ça se passe, quels sont les enjeux. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà fait en 2016. On avait quatre copains du Togo qui étaient partis, qui étaient restés 3 mois là-bas, qui avaient été enthousiastes. Voilà, le projet Sud-Sud, en fait, ça marche très bien. Ils reconnaissent des choses dans la lutte les uns des autres, dans les problèmes de territoire, à la fois d'extractivisme, d'expulsion des terres, de dépossession d'un État qui n'est pas pour eux. Donc on sent que ça fait vraiment bouger des choses. Ils nous disent que ça change leur regard sur le monde, sur ce qui est possible. Et donc, ouais, c'est ça qui était intéressant. C'est que du coup, il y a eu aussi, après leur retour dans leur village, ça a bougé des choses. Justement, c'est bien ça de pouvoir justement en parler, de voir ce qu'a bougé. En rentrant, ils ont essayé du coup de transmettre un peu leur expérience. Alors bon, bien sûr, on ne peut pas remplacer le fait d'avoir été sur place, mais ils en ont quand même pas mal parlé autour d'eux, un peu rendre compte, rien que le fait en fait que ça existe, qui n'est pas une information hyper accessible au Togo. En gros, les informations, elles sont beaucoup fléchées, soit sur le Togo lui-même, soit sur l'Europe, qui est à moitié des fois une Europe rêvée, mais en tout cas, c'est plutôt par là qu'on tourne le regard, des fois les États-Unis. Mais le fait qu'il se passe d'autres choses dans d'autres pays du Sud, et surtout des choses comme ça de construction de l'autonomie, c'est pas... Oui, avec des gens qui partent de rien en plus, puisque du coup, dans les villages zapatistes, il n'y a rien, donc on crée à partir de rien. Ouais. Et ça, c'est un gros encouragement, quoi. Pour des gens qui, au Togo, des fois, sont découragés, enfin, on les comprend à la fois, hein. Ils ont un État qui est bien pire que l'État qu'on peut avoir ici encore, où ils n'ont aucune possibilité, c'est même pas eux qui élisent vraiment. Il y a un vrai découragement, quoi. Ils ont l'impression qu'on se moque d'eux, qu'on les laisse un peu patiner dans la farine, qu'ils n'ont pas de perspective d'avenir. Du coup, cette idée qu'en fait, ils peuvent reprendre en main eux-mêmes, c'est assez fort. Ça change vraiment. Ça met un coup d'énergie vraiment impressionnant, quoi. Et donc, du coup, vous allez repartir sur le même processus, c'est-à-dire avec des jeunes qui sont désignés, enfin, qui se sont portés... volontaire pour du coup apprendre l'espagnol et se préparer à ce voyage. Et... C'est ça. Du coup, en fait, on est même déjà reparti dans le processus, puisque le cours d'espagnol, il y a deux cours d'espagnol cette fois. D'abord, 2 mois avec un volontaire de la dernière fois qui est revenu, donc il parle espagnol. Donc, il a commencé, lui, par transmettre son savoir pendant 2 mois. Ensuite, on a eu une volontaire qui est prof d'espagnol en France qui est partie pendant ses 2 mois de vacances d'été en juillet-août pour compléter leur formation. Et donc, ça, c'est fait. Et après ça, effectivement, ils sont évalués. Il faut qu'ils parlent suffisamment bien espagnol quand même pour partir. Et puis, on parle un peu de ce qu'ils ont compris, parce que pendant le cours, on leur fait déjà passer des infos un peu sur la situation là-bas. Qu'est-ce qui se passe au Mexique? Qu'est-ce qui se passe au Chiapas? Qu'est-ce que c'est les zapatistes? Donc, ils sont un petit peu aiguillés là-dessus. On parle avec eux. Et alors, ce qui a changé par rapport à la dernière fois, on est super contents, c'est que la dernière fois, on a eu 3 mecs et 1 fille. Et vraiment, c'était la seule fille qui s'était portée candidate. On avait du mal à motiver des femmes. Il y avait un truc comme ça, l'image qu'elles se donnent d'elles-mêmes ou l'image qu'on leur renvoie. Et donc cette fois, on a hyper insisté, même par rapport aux partenaires togolais, en disant non, mais s'il y a des femmes qui ont envie, il faut les encourager. S'il y a des problèmes, qu'en fait, le soir, après le cours d'espagnol, elles ont peur de rentrer chez elles seules, on peut faire un truc, on peut leur payer le taxi moto. Et donc en tout cas, ça, cette insistance, ça a marché, puisque cette fois, on a 3 femmes et 1 homme qui partent. Ah, c'est chouette. C'est un truc sur lequel on est hyper content. Et c'est déjà toujours pareil. Ils sont plutôt jeunes. Là, ils ont entre 20 et la plus âgée, elle a 36 ans. Ah oui, quand même, c'est bien ça aussi. Ouais. Bah, c'est rarement des gens qui sont installés dans la vie parce qu'en gros, s'ils ont déjà un emploi, ils ne veulent pas prendre le risque de le quitter pendant tout ce temps-là, quoi. Ouais, voilà. Mais du coup, par contre, justement, c'était plutôt des plus jeunes qui étaient partis la dernière fois. Mais ouais, du coup, c'est bien fois, qu'il y ait tous les âges aussi qui partent. Ouais. Nous, on voulait un peu cette diversité aussi. La dernière fois, il y avait déjà, au début, il y avait quelqu'un qui voulait partir qui avait 40 et quelques et il avait renoncé parce qu'il avait peur de perdre son job. Ouais. Mais du coup, ouais, ça c'est pas mal. Et là, on est en train de les accompagner. Ils ont tous eu leur passeport. Là, il y a quelques jours, le dernier a eu son passeport. Et on est en train de les accompagner sur le visa pour le Mexique, qui est toujours un peu une question aussi. Hein. Ouais. L'ambassade du Mexique, elle est au Ghana, elle n'est pas au Togo. Et donc, on essaye de tout gérer avec l'ambassade, nous depuis la France, en se portant garant, et puis pour leur éviter d'avoir à faire 4 voyages jusqu'au pays à côté, au Ghana. Ouais, parce que ouais, ça se demande pas par internet les visas, du coup. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Et puis, ils sont hyper méfiants. En fait, ce qu'ils disent, c'est les gens d'Afrique, ils veulent ce visa, mais c'est pour avoir un premier visa, pour ensuite pouvoir demander les États-Unis, pour essayer de passer la frontière, enfin, ce qu'on entend d'habitude. Donc, c'est hyper important que nous, on se porte garant. Enfin, voilà, malheureusement, ça, c'est encore nécessaire, quoi, cette triangulation. Mais bon, du coup, comme c'est nécessaire, autant qu'on le fasse. Et puis, ils sont aussi en préparation, donc en coopération avec CAREA, qui est l'association allemande qui prépare les observateurs des droits de l'homme, qui fait des grosses préparations 2 fois par an. Donc, en coopération avec eux, on fait aussi la préparation pour les volontaires togolais à moitié par Skype. Et puis là, cette fois, on est aidé par les volontaires qui sont partis en 2016. Ça, c'est vraiment bien de pouvoir s'appuyer sur eux aussi. Et quand tu dis « nous, on », c'est qui « nous, on » C'est une association, c'est parce que je crois qu'on est passé vite là-dessus sur ouais, vous. Oui, alors c'est parti. En fait, là-bas, au Togo, c'est une association qui s'appelle LIRE, qui coordonne ça, qui fait d'habitude un peu... des ateliers lecture ou d'ouverture culturelle, enfin d'idées d'accès comme ça aux sources d'information, d'habitude auprès des gens du secondaire. Mais en fait, ces gens-là, il se trouve que c'est des copains parce que plusieurs personnes, moi et plusieurs autour de moi, on a été volontaires là-bas, donc dans mon cas, il y a très longtemps, en 2008-2009. Et on avait un peu contribué à cofonder ce projet. Donc on est resté partenaire en France. Et en France, on a aussi une structure associative qui s'appelle LIRE France, du coup. Parce que vraiment, ce qu'on fait, c'est d'être partenaire avec eux. Et donc, tout ça, c'est né un peu entre nous dans le dialogue, quoi. Parce que moi, j'étais allée au Mexique, je leur avais parlé de l'expérience, et puis ils ont rebondi dessus. et l'idée un peu folle que des jeunes Togolais aimeraient aussi faire cette expérience et qu'après tout, ce ne serait pas juste qu'ils ne puissent pas. Donc si ce n'est pas juste, on va faire en sorte que ça arrive. L'effet boule de neige, et ça a marché. Oui, oui, oui. Bon, en s'accrochant beaucoup. Bon, bah, du coup, les gens peuvent éventuellement regarder de plus près en tapant Lire France. Alors, en tapant www.asso-lire.org, cela dit, on essaye de ne pas laisser trop d'infos parce qu'on est en phase de demande de visa. Oui, là, mais du coup, éventuellement, vous écrire, peut-être. Ouais, et là, ils trouveront le contact pour nous écrire. Et sinon, ils peuvent regarder, il doit y avoir une collecte Hello Asso qui s'appelle Togo Mexique. Et là, sur cette page-là, pour le coup, il y a les infos. Il y a une petite vidéo des volontaires de la dernière fois qui raconte ce que ça a voulu dire pour eux. Donc là, c'est possible de jeter un œil. Alors, redonne l'info et on se quittera là-dessus. Donc, la collecte en question, c'est sur Hello Asso. Hello Asso, H-E-2-L-O. C'est ça, H-E-2-L-O Asso. Donc, c'est une plateforme qui collecte des fonds. Et le projet, il s'appelle Projet Togo Mexique. La collecte doit s'appeler Projet Togo Mexique, le retour. Voilà, bon, bah alors voilà. Du coup, il y a plein de projets de lutte et donc on se retrouve le mois prochain pour autour de nouvelles luttes. Et merci à vous tous pour tous ces projets. Et on se tiendra au courant pour le projet Togo Mexique. On est en lien, on en reparlera avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. Merci les auditeurs FPP 106.3. Salut. On se retrouve le mois prochain.